Vous êtes de retour à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec La Longue des Ondes, et c'est bien sûr le temps de l'album. À chaque semaine, j'essaie de vous parler d'un album francophone, soit de vous parler d'un nouvel album ou vous reparler d'un album que j'ai bien aimé. Et cette semaine, c'est Chronique d'un petit bout de femme, Andy Saint-Louis, vraiment un beau petit bout de femme. Très belle personnalité, très dynamique, bien le fun. Celle qui s'autoproclame spécialiste du pop cabaret, Andy Saint-Louis, nous a lancé il y a quelque temps dans l'univers d'une chronique d'un petit bout de femme. Ce petit bout de femme, comme elle dit, offre effectivement une fraîcheur hors du commun qui se démarque de la pop facile. L'opus débute avec tout simplement un petit instrumental fort intéressant, Prélude, qui nous amène vers Maudite Inspiration et T'aurais pas dû, qu'on va entendre dans quelques instants. Deux mélodrames humoristiques, c'est vraiment à l'image de son sens d'humour qu'on lui connaît bien. S'enchaînent par la suite quelques bonnes pièces qui démontrent toute l'étendue de son grand talent. De Monsieur le commis à Tu me reviendras et Derrière ta photo. Une qualité de trame pop accompagnée de textes intelligents et captivants. C'est vraiment bien fait. Allez faire un tour sur andysaintlouis.com pour découvrir son univers. Elle est magnifique, je l'adore. On va y aller avec une des belles chansons de l'album qui s'appelle tout simplement « T'aurais pas dû ». Et vous allez voir, écoutez les paroles, c'est vraiment magnifique, j'adore ça. Donc voici de son album « Chronique d'un petit bout de femme ». L'auteur, compositrice, interprète Andy Saint-Louis qui nous offre vraiment une bonne pièce qui s'appelle « T'aurais pas dû, Andy Saint-Louis ». Pour Montréal. Au milieu de l'album se retrouve une autre instrumentale, Interlude, qui démontre encore une fois le talent de mélodiste de Andy Saint-Louis. S'ensuit quelques bonnes chansons extrêmement puissantes pour notre propre plaisir. Quelque chose à dire, c'est celle qu'on va entendre dans quelques instants, est un des textes les plus puissants de l'album sur le besoin de se faire entendre. Tout comme la lettre, dont je lui lègue sensiblement les mêmes attributs, on ressent le besoin d'écouter celle-ci en repeat tellement que c'est bon. Un bon succès radio et sans contredit, rentre chez moi. Encore là, un texte intelligent sur une musique des plus accrocheuses. Andy Saint-Louis termine l'album avec sa plus belle chanson selon moi. Elle reprend « Étoile polaire » qu'on va entendre en fin de commentaire. Un superbe texte rempli de compassion sur une trame de piano presque divine. Pour l'instant, on y va tout simplement avec quelque chose à dire. Voici l'auteur, compositrice, interprète, Andy Saint-Louis. Au milieu d'une foule pressée par du bruit, je crie, mais on ne m'entend pas. Dans une boîte de faux bonheur, devant 100 000 personnes absentes, je chante, mais on ne me voit pas. Je suis là, et je ne suis pas aussi petite que vous le pensez. Regardez par-dessus moi pour voir les autres, mais moi aussi j'ai quelque chose à dire. Du haut d'une falaise, érodée par le doute, je saute, mais on ne m'attrape. À travers un voile bleu, je me compare à un monde qui ne me veut pas. Mais je suis là, et je ne suis pas aussi petite que vous le pensez. Vous regardez par-dessus moi pour voir les autres, mais moi aussi j'ai quelque chose à dire. Écoutez-moi, j'ai quelque chose à dire. Pour une option pop rafraîchissante, pour des textes intelligents savamment bien déposés sur des mélodies solides, je vous propose Chronique d'un petit bout de femme. L'auteur, compositrice, interprète Andy Saint-Louis est une artiste à découvrir, tantôt avec humour, tantôt avec tendresse, mais toujours avec justesse. Elle nous captive avec sa plume magnifique et son sens de la mélodie. Un petit bout de femme à découvrir via son site internet qui est tout simplement le andysaintlouis.com. Donc andysaintlouis.com. Allez voir ce site-là, allez découvrir cet artiste, allez mettre la main sur son album Chronique d'un petit bout de femme. C'est vraiment génial. On va y aller avec une dernière pièce si vous voulez bien. C'est une reprise d'une chanson qui se retrouvait sur son EP. Son premier EP, c'est Étoile polaire, superbe beau texte, très bien, très belle mélodie. Voici Andy Saint-Louis. Étoile polaire, au On se parle pas souvent. Le smog rend ton visage un peu moins clair. Étoile du Nord, tu fais briller décembre. Et pour changer, voilà ma liste en retard. Réchauffer les cœurs brisés, construis un château pour tous les pieds gelés. Donne un peu de temps aux familles et aux mourants, et si tu la crois dans les airs, dis bonne fête à ma mère. Étoile du Nord, j'arrive pas à dormir, je rêve de plus en plus en blanc et noir. Étoile polaire, le monde est devenu fou, mais chaque année se termine sur ta lumière. Réchauffer les cœurs brisés, construis un château pour tous les pieds gelés. Donne un peu de temps aux familles et aux mourants, et si tu la crois bonne fête à ma mère. Le jour me lève déjà trop vite pour prolonger encore le mythe. Et dans la torpeur des matines, café, reflet, soleil, cuisine, mon œuf comme un clin d'œil de moi, regarde noircir mon pain d'avoine. Regardez dormir tes yeux, les soupirs bleus de ton blanc rêve, ton cœur gelé dessous tes draps. Je t'ai baisé les deux paupières, du bout des doigts je t'ai touché. Chaque plaisir à caresser tes cheveux longs, de vagues blancs, vagabonds. Je nage en toi comme un gémeau dans l'eau. ténèbres devenues déserts. Caresseront mon ciel. Ce n'est pas l'heure de ton réveil. Je me retire, je fais comme si de rien n'était, en sachant bien que tout y est. Que la fin de semaine viendra plus vite sécher ma peine. De belles mélodies qui viennent vous chercher, qui viennent se déposer au fond de vos entrailles. Mélodie pour Marie de 33 Barrettes. Quel beau souvenir tiré de l'album. Ça fait longtemps. Et cet album-là, vraiment, il ne devait pas exister. Pas du tout. Parce que 33 Barrettes, bien sûr, ont sorti quelques simples dans les années 70, début 80. Mais le groupe s'est dissous et par la suite, on a réuni le groupe pour tout simplement fêter les 20 ans, je pense, du 4 jeudi sur la rue Laval à Hall. Et après une soirée magique où ce que le public était au rendez-vous, on s'est assis et on a dit « Hey, le monde aime ça, le monde nous demande nos chansons. On enregistre un album et ils l'ont fait. » Et c'est vraiment magnifique. Et ils ont repris quelques bons vieux succès comme « Mélodie pour Marie ». Et il y a bien d'autres belles chansons là-dessus. Si vous faites 33 barrettes sur YouTube, peut-être que vous pouvez mettre la main là-dessus. Si oui, faites-le. C'est vraiment un très bon album. On va poursuivre en musique. C'est ce qui a commencé dans notre bloc de l'Est Québec-Ontario. Et on va poursuivre ça avec un projet assez spécial. C'est Jeannie René qui a décidé de reprendre des chansons du répertoire franco-ontarien et des remettre à la sauce jazz. Et c'est fort réussi à venir jusqu'à maintenant. C'est la quatrième ou cinquième chanson qu'elle fait. On va entendre « La tension hein? ». « La tension », pas « La tension », mais « La tension ». Dans quelques instants, vous allez voir, c'est magnifique. Juste le temps de vous dire qu'elle est en spectacle le 19 octobre. De Creating Center, c'est au 13 rue King à Van Cleek Hill, ça c'est dans l'est de l'Ontario, le 19 octobre à 20h, entrée libre, donc allez voir ça si vous avez la chance. Jeannie René, c'est vraiment une artiste exceptionnelle, auteure, compositrice, interprète, pianiste, avec une très belle voix, mais une très belle voix, et une femme charmante, donc allez la voir, c'est vraiment intéressant. On va entendre la tension dans quelques instants. Donc, vous allez voir, très belle pièce, dont il y a un vidéoclip qui existe sur YouTube par rapport à ça. Allez voir ça. Par la suite, on va entendre Caroline Jonf, qui, elle, toute l'automne, se promène au Québec, un peu partout. Elle va même aller en France, elle va aller en Floride au mois de novembre. Et en décembre, elle est en France, Suisse et en Allemagne. On va écouter l'histoire d'une femme. Vraiment une très belle chanson de Caroline Jonf. L'attention monte, monte, monte. L'attention baisse, baisse. Tu t'arraches les cheveux. On fonce des clous sur un pieu. Le marteau en l'air. Le pied dans l'escalier. Tu commences à crier. Tu commences à chialer. Tu ne sais pas pourquoi. Moi, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi il te regarde pas. Je sais pas pourquoi il te parle pas. Je sais pas pourquoi il ne t'écoute pas. C'est parce que t'aimes pas, tu veux être riche, tu veux être libre. Ne sois pas triste, ton jour vient. L'attention monte, monte. L'attention baisse, baisse. Monte, baisse, monte, baisse. Monte, baisse. Monte, monte. La tension baisse, baisse. Tu deviens paralysé lorsque tu entends marcher. Défense de crier. Défense de pleurer. Ils veulent nous entasser dans des petits carrés. Il vaut mieux espérer que de tout lâcher. Ce soir, je viens vous parler d'elle. Sa vie n'est pas exceptionnelle. Non, c'est seulement l'histoire d'une femme avec ses rêves, avec ses drames. Femme qui derrière un micro cache un cœur qui aime un peu trop. Une femme qui aurait tant à dire mais qui ne veut que sourire. Car pendant tant d'années, vous l'avez vu livrer une étonnante joie de vivre, les pages d'un merveilleux dans un univers de délire, passant de l'absurdité au rire. Elle vous apportera un moment au cœur de profonds sentiments, où elle vous présentera son monde entre la bêtise et la honte. Car pendant tant d'années, vous l'avez vu livrer une étonnante joie de vivre, les pages merveilleux livres sur toutes sortes de scènes et au-delà de ses peines, car sous les projecteurs, elle n'a plus de pudeur. C'est l'histoire d'une femme ordinaire, et c'est aussi l'histoire d'une mère, celle d'une sœur ou bien d'une amie. C'est l'histoire d'une femme d'aujourd'hui, une femme qui pleure ou bien qui rit, qui a aimé, qui a habits de scène, se cache une femme incertaine qui a vécu des moments durs, des déceptions et des blessures. Une femme à qui le courage aura inspiré bien des pages, qui continue un combat qu'elle chantera jusqu'à bout de voix. C'est vous qui lui donnez